الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونصلي ونسلم على من أرسله الله هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم أجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وارزقنا منها شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، فاليوم يوم الاثنين 11 من شهر شوال لعام 1439 للهجرة، ومع شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكان آخر ما ذكرنا قول المؤلف رحمه الله بعدما ذكر الصراط والشفاعة، قال: ونؤمن بالجنة والنار. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Alors toujours avec la croyance des gens de la sunna et du consensus de Cheikh Mohamed bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah. Et on s'est arrêté au cinquième pilier, qui est la croyance au jour dernier, dans la partie où Cheikh Rahimahullah a dit, une fois qu'il a cité la croyance au pont, à Sirat, qui sera dressé au-dessus de l'enfer, et l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Rahimahullah: Et nous croyons au paradis et à l'enfer, et que le paradis est la demeure des délices. Allah subhanahu wa ta'ala l'a réservé aux croyants vertueux, et on y trouve comme délices ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce qu'aucun esprit humain ne peut imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate Sajda, Il a dit subhanahu wa ta'ala: aucune âme ne sait ce qu'on l'on a caché pour elle comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'elle faisait. Et l'enfer est la demeure du châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala l'a réservé aux mécréants injustes. On y trouve comme châtiment et punition ce qu'on ne peut imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Kahf: Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et ils implorent à boire, et s'ils implorent à boire, on les abreuve d'une eau comme du métal fondu. Brûlons les visages, quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. ذكرنا ما يتعلق بالجنة. الشيخ رحمه الله الشيخ رسلان ماذا قال؟ قال الجنة دار أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين. الله شمل عثمة رحمه الله ici il a dit que le paradis صلى الله عليه وسلم نكون من أهله. Il dit le paradis c'est la demeure des croyants, la demeure qu'Allah عز وجل a réservée aux croyants vertueux. قال أعدها الله تعالى الله إلا بخيفاري فهي الآن موجودة وانك الله عز وجل إلا بخيفاري pour ses serviteurs ou pour les croyants vertueux, ça veut dire que elle existe. قال للمؤمنين المؤمنين pour les croyants هذا ما يتعلق بالقلوب يعني هؤلاء آمنوا بقلوبهم المتقين ما يتعلق بالجوارح. Alors les croyants vertueux, les croyants, ça, c'est-à-dire ils ont cru avec leur cœur, vertueux avec leurs membres. Il a dit رحمه الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il y a au paradis ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce que aucun esprit humain ne peut imaginer. يعني ما رؤي في الدنيا مثل نعيم الآخرة ولا سمع بمثله من حسن الأصوات والكلام الطيب. Il n'y a pas de semblable comme délice dans le bas monde. Les délices de l'au-delà n'ont pas de semblable dans le bas monde. Alors on n'a jamais vu quelque chose qui ressemble à ce qu'Allah Azza wa Jalla a réservé aux croyants au paradis. Ni on a entendu comme belle voix et comme bonne parole dans le bas monde qui ressemble à ce que le croyant va entendre au paradis. قال تعالى تحيتهم فيها سلام. Leur salutation c'est paix, salam. قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Ils n'entendront ni futuité ni des propos déplacés. Illa qilan salaman salama. Il n'y aura que de ça, un échange de salutations entre eux. قال فما أحسسنا مثل هذا النعيم ولا خطر على قلب بشر. La personne n'a jamais imaginé cela, n'a jamais ressenti ces choses-là dans le bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala va préparer ou a préparé déjà pour les croyants. فَكُلْ مَا نَرَى مِنْ نَعِيمٍ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ جُزْءٌ لَا يُنْسَبُ لِنَعِيمِ الْآخِرَةِ. Alors tout ce qu'on voit comme réjouissance, délice, un bien dans le bas monde, il ne ressemble pas à ce qu'Allah Azza wa Jalla a préparé pour les croyants comme délices et réjouissances dans le delà. Ça, si maintenant on peut comparer une molécule par rapport au soleil. C'est incomparable. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit ? Sourate Sajda. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Aucune âme ne sait ce qu'on l'on a caché pour elle comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'elle faisait. فهذا جزاء عظيم في عمل يسير. Ça c'est une énorme récompense par rapport à des œuvres qui sont pas nombreux et qui sont faciles à faire. ولا ينبغي أن نقول إن الجنة هي البستان الكثير الأشجار أو الكثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع وهواؤه يميل بأغصان الأشجار. الجنة c'est pas le sens linguistique que le jannah c'est quoi, c'est ce jardin. Parce que le jannah dans la langue arabe, et on a parlé de ça déjà, هي ما التفت أغصانه أشجارها حتى لا يرى ما بداخل البستان. C'est pour ça qu'on l'appelle الجنة. الجنة ça veut dire que tellement les arbres ils sont tellement fournis et grands au point que les branches couvrent ce qu'il y a à l'intérieur du jardin. Ça on l'appelle الجنة. الجنة c'est-à-dire c'est un jardin qui est couvert par des arbres. لأننا لو قلنا هذا لهان النعيم ولو فرضنا أن الجنة في اللغة العربية هكذا معناها لكن جنة الآخرة ليست كذلك. Même si c'est le sens linguistique c'est celui-là que le jannah dans la langue arabe c'est ça. Et on a dit tout ce qui est formé de la lettre jim et de la lettre nun ensemble signifie ce qui est caché. D'accord. Tout ce qui est formé par le jim ou le nun, il a la signification de quelque chose qui est caché. Comme par exemple le jin, c'est quelque chose qui est caché. Le junun, la folie, c'est sa raison qui est cachée ou là, qui est absente. Le janin, le fœtus, il est caché dans le ventre de sa mère. Et ce qu'on dit aussi par rapport à le jannah. D'accord. Alors ça, c'est le sens linguistique. Mais le paradis, le jannah de l'akhira, de l'au-delà, elle n'est pas pareille. Bal hiya a'zamu wa a'zamu bi kathir. Elle est plus grande et plus vaste qu'on peut imaginer. Alors par rapport à l'Jannah, malgré qu'on a cité ça, mais la basm babi, au moment qu'on a repris la croyance à cet élément qui est la croyance au paradis et à l'enfer et qu'ils existent déjà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés déjà. أشهر أسماء الجنة les plus célèbres noms du paradis. On trouve الجنة comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Celui qui obéit à Allah et à son messager, Allah subhanahu wa ta'ala le fait rentrer جنات dans des jardins sous lesquels des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et quelle énorme réussite! Jannatul Firdaus, elle est citée aussi par Jannatul Firdaus. Et le Firdaus, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand vous demandez à Allah Azza wa Jal, الفردوس لأنه أعلى الجنة ووسط الجنة. فسي le plus haut degré au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Kahf قال, qu'est-ce qu'il a dit? Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati kanat lahum jannatu al-firdaus nuzula. Il a cité ici les jardins de l'Firdaus. On trouve aussi parmi ces noms jannatu adn, le paradis d'Eden. Allah subhanahu wa ta'ala dit: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. On trouve aussi جنة الخلد. جنة الخلد. الله سبحانه وتعالى il dit dans سورة الفرقان: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Elle s'appelle aussi جنات النعيم. الله عز وجل يقول dans سورة لقمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. Elle s'appelle aussi جنة المأوى. الله عز وجل يقول dans سورة السجدة: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Elle s'appelle aussi دار السلام. قال الله تعالى في سورة الأنعام: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Tout ça c'est les noms de الجنة. مكان الجنة, le lieu de الجنة. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. صديق اليو سيد. Alors le lieu du paradis, il est au ciel. Le verset « وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ » Et au ciel, il y a votre subsistance. Ainsi ce qu'on vous a promis. Et ce qu'on vous a promis comme comme paradis et enfer. « قال الله تعالى في سورة النجم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Là ici, Sidrat al-Muntaha, elle est au ciel. An Abi Huraira radiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala: Man amana billahi wa rasulihi wa aqama as-salata wa sama Ramadan, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Qalu ya Rasulallah, afala nunabbi'u an-nasa bidhalik? قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله, كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض, فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس, فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. أخرجه الإمام البخاري. Alors ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, wallahi ça, normalement quand on parle de l'aqida, c'est les cours les plus importants. C'est les cours les plus importants. Mais Allah al-Musta'an. Et je pense que je vais arrêter les cours ici dans cette mosquée. Wallah. Wallah, parce que, on est sollicité dans d'autres mosquées, on va faire des cours dans des mosquées où il y aura des gens qui s'intéressent au cours. Allah al-Musta'an. Sallallahu alayhi wa sallam al-ikhlas. Dans Sahih de l'imam al-Bukhari, dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et en son messager, il accomplit la prière et il jeûne le mois de Ramadan, il sera de son droit pour Allah Azza wa Jal de le faire rentrer au paradis. Soit il a immigré dans le sentier d'Allah, ou il est resté dans le lieu où il est né. Ils ont dit au messager d'Allah: est-ce qu'on informe les gens de cela? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: au paradis, il y a 100 degrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour pour ceux qui combattent dans son sentier. Kullu darajati, ce qu'il y a entre les deux degrés, c'est ce qu'il existe entre le ciel et la terre. Alors si maintenant il y a 100 degrés, ce qu'il y a entre un degré et un autre, et le suivant, c'est comme la distance qui existe entre le ciel et la terre. Après, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam ? Si vous demandez à Allah, demandez le Firdaus, car c'est le milieu du paradis, c'est le plus haut degré du paradis. Wa fawqahu, juste au-dessus de le Firdaus, il y a quoi ? Il y a le trône du très miséricordieux. Et de là coulent les rivières du paradis. Et on a dit par rapport à ça, comment la chose elle peut être le plus haut degré et le milieu, c'est dans le cas où c'est comme une coupole. Qubba. D'accord ? Fas-saqf 'ala shakl qubba. فهي أعلى وهي وسط القبة. C'est comme une coupole. وأخرج الإمام الحاكم وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا حضره الموت حضرته ملائكة الرحمة فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء فينطلق بها إلى باب السماء فيقولون ما وجدنا ريحا أطيب من هذه. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Hakim ibn Hibban, ce hadith il a été authentifié par Cheikh Abdelkader al-Arnaout. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant, quand la mort lui viennent, les anges de la miséricorde l'assistent. Et une fois qu'il récupère son âme, il la met dans un bout de soie blanc. Et ils monteront avec ça au ciel. فَيُنْطَلَقُ بِهَا إِلَى بَابِ السَّمَاءِ. Et ils diront qu'on n'a jamais vu une odeur agréable comme celle-ci. Asma ou abwab al-jannah, les noms des portes du paradis. An Abi Hurayrah radiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: "Man anfaqa zawjayn fi sabilillah, nudiya min abwab al-jannah. Ya 'Abdullah, hadha khayr." فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه يا أبا بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. Alors les noms des portes du paradis. Ce hadith il est dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui dépense une chose dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera appelé par la porte, par cette porte-là, le jour du jugement, au paradis. On dira au serviteur, ça c'est un bien. Alors celui qui faisait partie des gens de la prière, il sera appelé par la porte de la prière. Et celui qui faisait partie des gens du combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, il sera appelé par cette porte. Et celui qui faisait partie des gens du jeûne, il sera appelé par Babur Rayyan, par la porte de Rayyan. Et celui qui faisait partie des gens de l'aumône, il sera appelé ou interpellé par la porte de l'aumône. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit Bi'abi anta wa ummi ya Rasulallah. Il dit, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui sera appelé par toutes ces portes? Regardez les himma. Hein? Regardez l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit oui, et j'espère que tu feras partie de ces gens-là, ou Abu Bakr. Si'atu abwab al-jannah. Yani la largesse des portes du paradis. An Utba ibn Ghazwan radiyallahu anhu, al hadith akhrajahu al imam Muslim. Utba ibn Ghazwan radiyallahu anhu qal dhukira lana anna ma bayna misra'ayn min masari' al janna masirata 40 sana. Utba ibn Ghazwan radiyallahu anhu, comme l'imam Muslim rahimahullah a rapporté, il dit, il nous a été rapporté que entre les deux portes du paradis, il y a la marche de 40 ans. وَلَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَضِيضٌ مِنَ الزِّحَامِ. Il viendra un jour où il y aura كَضِيضٌ مِنَ الزِّحَامِ, ça veut dire de la foule. Il y avait du monde, beaucoup de monde devant la porte qui attendent qu'on leur ouvre la porte du paradis. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qal, ce hadith il est aussi dans les deux recueils authentiques. Qal utiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman bilahm wa fi akhirih qala sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi innama bayna al-misra'ayn min masari'i al-janna lakama bayna Makkah wa Hajar أو كما بين مكة وبصرى. Dans le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu, dans les deux recueils authentiques, il rapporte qu'on a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la viande un jour, de la viande pour manger. Et à la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains, que entre les deux portes, on a les portails du paradis, c'est la distance qui se trouve entre Makkah et Hajar, ou Makkah et بصرى. عدد أبواب الجنة, le nombre des portes du paradis. نعم قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. Alors dans sourate Az-Zumar, les groupes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront, salut à vous, vous avez été bon, entrez donc pour y demeurer éternellement. Et là, regardez le Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah et d'autres savants aussi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, regardez Allah subhanahu wa ta'ala en parlant de qui? الذين كفروا ماذا قال تعالى قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. Par rapport à المؤمنين ماذا قال؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هناك الواو قال أهل العلم هنا لأن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطرق وفتح لهم، فلا يكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. أما أهل النار فيساقون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. الله سبحانه وتعالى ici en parlant des mécréants, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit subhanahu wa ta'ala, et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront: des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront si, mais le décret du châtiment, il s'est avéré juste contre les mécréants. On leur dira: entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. عن سهل ابن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. Alors si الجهنم والعياذ بالله elle contient 7 portes, le paradis contient 8 portes. D'après le hadith de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, il rapporte, et ce hadith est dans les deux recueils authentiques de le Bukhari et Muslim, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au paradis se trouvent 8 portes. Parmi ces portes, il y a la porte de Rayyan, par laquelle il n'y a que les jeûneurs qui rentreront. أبواب الجنة مفتحة لأهلها، قال الله تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. الله سبحانه وتعالى dans sourate صاد. Alors les portes du paradis s'ouvriront pour ses habitants. الله سبحانه وتعالى دون سورة صاد إلى دي سبحانه وتعالى: cela est un rappel, c'est au pieux qu'appartient en vérité la meilleure retraite, les jardins d'Éden, aux portes ouvertes pour eux. الأوقات التي تفتح فيها أبواب الجنة في الدنيا. Les moments pendant lesquels les portes du paradis s'ouvriront dans le bas monde. عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث خرجه الإمام مسلم. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique d'après أبو هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أو تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. Le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et chaque jeudi. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. Il sera pardonné pour chaque serviteur qui n'associe pas d'autres divinités à Allah سبحانه وتعالى. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. Sauf un homme qu'il y a entre lui et son frère une querelle. On a un désaccord, on a un conflit. فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. On leur dira, laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Voilà. Et de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait lundi et jeudi. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Qatada, d'Abi Qatada, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au lundi, قال ما تقول في صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة التي قبله قال صيام يوم عرفة قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده قال ما تقول في صيام في صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه يعني كيف لا تصوم قال ذاك يوم ولدت فيه Et dans un autre verset, dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, les œuvres seront exposées auprès d'Allah Azza wa Jal. قال واحب ان ان يعرض عملي او يرفع عملي وانا وانا صائم. ولكن اثنين والخميس لندي جدي. هذا خير الصيام. Celui qui jeûne un jour sur deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur jeûne, c'est le jeûne de Daoud alayhi wa sallam. Ça, c'est le meilleur jeûne. Et si maintenant il n'arrive pas à jeûner le lundi, jeudi, avec ça, il met l'intention que voilà, c'est par rapport au jeûne de Daoud, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura la récompense. Voilà. Non. Niya, c'est quoi? Oui. Niya, c'est quoi? Niya, c'est que la personne, si elle délaisse le lundi et jeudi, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. D'accord? C'est ça la différence. La différence que la personne, si elle délaisse une chose qui est recommandée pour une autre chose recommandée, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle est meilleure, et bien celui-là, il aura plus de récompense. Voilà. Parce qu'il ne le délaisse pas par passion, mais il le délaisse par. Par obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. An Abi Hurayrah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatish shayatin. Dans le hadith d'Abi Hurayrah, dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment et ash-shayatin, yani les démons, seront enchaînés. وأخرج الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد. Ah, c'est difficile, regardez le hadith. Regardez l'énorme récompense de ce hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith rapporté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. قال ما منكم من احد يتوضا فيبلغ يبلغ اي يسبغ يسبغ اي يتم يحسن الوضوء ثم يقول في آخر الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يسبغ الوضوء بغفير يعني يحسن الوضوء. ما معنى يحسن الوضوء؟ صح. الحديث rapporté par l'imam مسلم d'après عمر بن الخطاب رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une personne, wallah, quiconque parmi vous, il fait ses ablutions, wallah, il parfait ses ablutions. Et il dit à la fin, أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله sans que les portes, les 8 portes du paradis s'ouvriront pour lui, il rentrera par n'importe quelle porte qu'il voudra. C'est difficile ça ? C'est en général. Abduhu Rasul fil hadith. Na'am. Dhikr idha ja'a. Na'am. Abduhu Rasul. ما ورد في الأذكار بلفظ يجب التقيد به ce qui a été rapporté comme formule d'accord il faut que la personne veille à faire des invocations comme ça a été rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم واضح par faire ses ablutions c'est quoi par faire ses ablutions الوضوء الواجب فيه مرة وما زاد فهو من الإسباق d'accord ce qui est en plus c'est ça rentre dans parfaire ses ablutions le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait الوضوء une fois deux fois et parfaire ses ablutions c'est trois fois alors celui qui parfait ses ablutions et quand on dit parfait ses ablutions sans gaspillage d'eau يدخل في الإسباق عدم الإسراف. C'est pour ça qu'il est interdit de rajouter la quatrième fois. Car ça rentre dans le gaspillage. كيما يصبغ مع البلش كيما كتصبغ. باه نقول لك كيما كتصبغ والله ماشي كيما تصبغ. لازم واحد كيف؟ هي هذه لازم أشوف كانك فدير لي زايد الوضوء بنقول لك ها هاي نجيب وجيب جيب وجيب الاخر ونتوضا ونعرف كيف هيك بارفير زابليشن نديروها ان شاء الله اول من يدخل الجنه Le premier qui rentrera au paradis. أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. Alors le premier à rentrer au paradis, c'est ce qui a été rapporté, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم. C'est le premier à qui on ouvrira les portes du paradis. Et le premier qui rentrera au paradis. L'imam muslim, rahimahullah, rapporte d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, آتي باب الجنة يوم القيامة. C'est-à-dire, le prophète Sassim, il dit, je me rends à la porte du paradis le jour du jugement, فأستفتح, et je demande qu'on m'ouvre. Et le gardien me dira, qui es-tu ? Et je dirai, je suis Muhammad. Et le gardien, sallallahu alayhi wa sallam, le gardien, il dira, c'est à toi qu'il m'a été ordonné d'ouvrir et de n'ouvrir à personne à part toi. بك أمرت أول أمة تدخل الجنة La première communauté qui rentrera au paradis C'est la communauté de qui أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نبيها هو أول من يدخل الجنة وأول من يفتح له فأمته هي أول أمة تدخل الجنة. C'est la communauté du prophète صلى الله عليه وسلم qui rentrera en premier au paradis. D'après le hadith de Abu Huraira رضي الله عنه. Ce hadith est dans les deux recueils authentiques. Il dit, قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. On est les derniers, يعني arrivés. Parce que la communauté du Prophète, c'est la dernière des communautés. Il dit, نحن الآخرون, on est les derniers, et les premiers le jour du jugement. On est les derniers par rapport à l'arrivée. Mais le jour du jugement, on est les premiers. وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ Et on est les premiers à rentrer au paradis. جَعَلَنَ اللَّهُ مِنْ هَؤُلَاءِ أول زمرة يدخلون الجنة. Alors le premier groupe qui rentrera au paradis. عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث متفق عليه ce hadith il est dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim قال صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتفلون ولا يتمخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء متفق عليه. Alors d'après le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le premier groupe qui va rentrer dans le paradis sera à l'image de la lune la nuit où elle est pleine. Ceux qui les suivront seront les plus lumineux que l'étoile la plus lumineuse du ciel. Ils n'urineront pas, ne feront pas leurs besoins, ne cracheront pas et ne se moucheront pas. Leurs peines seront en or et leur transpiration sera du musc. Leur encens est de bois et leurs épouses seront al-hour al-in. Leur comportement sera comme celui d'un seul homme. Ils seront à l'image de leur père Adam, 60 coudées dans le ciel. وفي الرواية الثانية لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوب ولا تباغض لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. Dans une autre version, rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim, il ajoute le suivant, que chacun d'entre eux, il aura deux épouses. Elles seront tellement belles que l'on peut voir la moelle de leurs jambes à travers la chair. Il n'y aura pas de divergence ni de haine entre eux. Ils seront comme le cœur d'un seul homme et ils feront les louanges d'Allah le matin et le soir. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم ببعض. الحديث aussi dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim. D'après Sahel ibn Sa'd, radiyallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah a dit, il rentrera, certes, rentrera au paradis de ma communauté 70 000 ou 700 000 متماسكون آخذ بعضهم بعضا, يعني qui sont tous ensemble, les uns ils essayent de s'attacher aux autres. لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم, que le premier ne rentrera pas jusqu'à ce que le dernier rentre avec lui. وجوههم على صورة القمر ليلة البدر, leur visage c'est comme la lune quand elle est pleine. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, annahu qal, sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya' yawm al-qiyama ila al-jannah bi-arba'in kharifa. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, ce hadith est dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullah. Il rapporte d'avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que les pauvres parmi les immigrés, les muhajirin, ils devanceront les riches le jour du jugement au paradis. Il y aura entre eux la durée de 40 ans. Arba'ina kharifan, ça veut dire arba'ina sana. Allahu a'lam. Al-muhim arba'ina sana. Et même si 40 ans qu'on connaît déjà, c'est... Hein? Je veux dire, si le jour, il est... Alfa sanati mimma ta'uddun, Allah khamsina alfa sana mimma ta'uddun. Sinnu ahli al-jannah, l'âge des gens du paradis. Al-Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 30 أو 33 سنة. D'après, alors le âge, c'est ce que l'imam Ahmad ou Tirmidhi ont rapporté d'après Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit il dit que les gens du paradis rentreront au paradis jordan murdan, c'est-à-dire ils sont en bas, ils sont bas. Pourquoi? مع ان اللحم من سنن الفطره قالوا لان اللحيه فيها دليل على تغير حال العبد من سن الى سن فيكون شاب يكون امرد فاذا شب وكبر أو كبر قليلا تخرج له أو تنبت له اللحية. أما أهل الجنة فحالهم منعمين لا يتغير, فيبقون على الحال التي أنعم الله عز وجل بهم بها عليهم. Ils disent pourquoi ils sont imberbes, ils n'auront pas de barbe. Alors que la barbe, ça fait partie de Sunan al-Fitra, ce qu'on appelle la nature innée. Il dit car la barbe à la base, c'est une preuve d'un changement, d'un âge à un autre. Parce que le jeune au début, il n'a pas de barbe, mais dès qu'il commence à grandir, là, il y a la poussée de là-bas. Il dit, c'est pas le même. Ça montre que les gens au paradis, leur situation ne change pas. Elle reste, wallah, ils profiteront de cette réjouissance et de ces délices qui restent stables. Et leur situation ne changera pas aussi. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, mukahhalin, avec des dukhul. في أجفانهم وزيو أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة واضح. maintenant c'est quoi ici أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة. il dit ils ont, quand on dit il a la trentaine, أبناء ثلاثين, c'est à dire 33, ça il a la trentaine, là c'est pas un doute, même dans la langue arabe. Le chiffre, quand il est moins de 5, on l'attribue à la dizaine précédente. Quand il y a plus de 5, on l'attribue à la dizaine suivante. Alors quelqu'un qui a 33, on dit il a la trentaine. Quelqu'un qui a 38, on dit il a la quarantaine. Alors au moment que le prophète Samuel dit leur âge, ils ont soit la trentaine ou 33 ans pour préciser. Et les deux termes, ils sont pareils. صفة وجوه أهل الجنة. La description des visages des gens du paradis. قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم ماذا نظرة النعيم. الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين إلى دي سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. Les bons seront dans un jardin de délices. Sur les divans, ils regardent. Alors tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. Nadaratan النعيم. وقال تعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى ناظرة بالضاد ناظرة، والثانية ناظرة أي تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. الله دون سورة القيامة الله سبحانه وتعالى يلجي. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Nadira ila rabbiha nadira. Wa qala ta'ala wujuhun yawma idhin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Dans sourate الغاشية الله سبحانه وتعالى إلى ذي وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leurs efforts dans un jardin, dans un haut jardin. وقال تعالى في سورة عبس سورة عبس وتولى قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة من سورة عبس وتولى الله سبحانه وتعالى يجي à la fin de la sourate, il dit de même qu'il y aura ce jour-là des visages وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة faisant pousser grains, vignobles et légumes. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. Dahikatun mustabshira. Wa qala ta'ala fi surati Ali Imran qala yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله سبحانه وتعالى يلجي au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. À ceux dont les visages seront assombris, il sera dit « Avez-vous mécru après avoir eu la foi ? Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. » Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. An Abi Hurayra radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا سيتس حديث أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد. سيبو صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Il n'y aura ni rancœur, ni querelle, ni jalousie, ni... Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, dans sourate An-Nahl. Non, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nahl sourate Al-Hijr Allah subhanahu wa ta'ala il dit innal muttaqina fi jannatin wa uyun ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources, entrez-y en paix et en sécurité, et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur enlève ses... toute cette rancœur, toute cette querelle, tout, il y aura, Allah Azza wa Jalla dit, et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ. C'est comme, ils ont comme, tous, sur le, ils ont le même cœur. لَا تَبَارُضَ بَيْنَهُمْ. Il n'y aura ni rancune, ni animosité, ni autre. Sifatu istiqbali ahli al-jannah. Comment ils seront accueillis les gens du paradis. On a vu tout à l'heure que sourate Az-Zumar qala ta'ala وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. Et regardez, subhanallah, même en verrant ça, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis, puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront salut à vous. Vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Et ils diront louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. وقال سبحانه وتعالى في سورة الرعد قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله سبحانه وتعالى dans سورة الرعد il dit et les anges rentreront pour les saluer de chaque porte et leur diront salut à vous par rapport à ce que vous avez patienté يعني auparavant et quelle meilleure demeure. وقال تعالى في سورة الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Ils seront pas effrayés le jour du jugement. Et les anges les recevront en leur disant voici le jour qui vous a été promis. أين وصلنا؟ صفة استقبال أهل الجنة. من يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. هذا الحديث في الصحيحين. هذا الحديث اللي rapporté dans les deux recueils authentiques. D'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma qal qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'uridat 'alayya al-umam fa ajidu an-nabiy yamurru ma'ahu al-ummah wan-nabiy yamurru ma'ahu an-nafar wan-nabiy yamurru ma'ahu al-'ashara wan-nabiy yamurru ma'ahu al-khamsa wan-nabiy yamurru wahda qala fa nadartu fa idha sawadun kathir قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق قال فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Alors ce hadith rapporté dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim. Il y a le hadith aussi qui est rapporté par Abi Umam al-Bahili radiyallahu anhu avec une autre version que l'imam al-Tirmidhi et Ibn Majah ont rapporté. عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. الحديث حثية كيف؟ هي هذه الحثية في اللغة، أما عند الله سبحانه وتعالى يسأل أبو خوفة صلى الله عليه وسلم إلى بخسيزي التي حثية حثية ربي. الحثية في اللغة هي مجمع اليدين، نعم، تقول حثى على رأسه التراب، يعني أخذ بيده هكذا ووضعه على رأسه، هذه علامة على الخسارة، واضح؟ دبخ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que les communautés m'ont été exposées et j'ai vu le prophète passer avec une communauté et le prophète passait avec un groupe de gens et le prophète passait avec une dizaine de personnes et le prophète passait avec cinq personnes et le prophète passait tout seul. Hada nabi, hein, nabi, il viendra le jour du jugement tout seul. Wa nabi yamur wahda, ce qui nous réconforte. إذا كان هذا النبي فما بالك الدعاة والأئمة. Si maintenant le prophète il viendra le jour du jugement tout seul. Que dire de ceux qui sont moins que les prophètes. قال والنبي يمر وحده, le prophète qui passait qui viendrait tout seul. قال فنظرت, après j'ai regardé et j'ai vu سواد كثير, c'est-à-dire qu'il y avait une grande foule. J'ai dit, oh Jibril, ceux-là, c'est ma communauté? Il a dit, non, mais regarde à l'horizon. Et j'ai regardé, et il y avait une grande foule. Il a dit, ceux-là sont ta communauté. Et, وَهَاُولَا إِسَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامُهُمْ, et ils sont devancés par 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement, sans châtiment. J'ai dit, et pourquoi au Jibril? Il a dit, car كانوا لا يكتوون, ils ne pratiquaient pas la cautérisation, ولا يسترقون, ils ne demandaient pas الرقية, ولا يتطيرون, ils ne croyaient pas aux mauvais présages, hein, les augures, وعلى ربهم يتوكلون, et en leur Seigneur est placée leur confiance. لا يكتوون الكي ليداوي بالكي بالنار يكوي خلاص Et dans Sunan de l'imam al-Tirmidhi ainsi qu'Ibn Majah, d'après Abi Umam al-Bahili radiyallahu anhu, il rapporte d'avoir entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que mon Seigneur subhanahu wa ta'ala m'a promis de faire rentrer au paradis de ma communauté 70 000 personnes sans jugement, sans châtiment. Et avec chaque 1000, 70 000. Ah oui, oui. Et avec chaque 1000, 70 000, وثلاث حثيات من حثيات رب عز وجل, et trois paniers parmi les poignées d'Allah subhanahu wa ta'ala. صفة أرض الجنة وبناؤها. Alors la description de la terre du paradis ainsi que sa construction. Le hadith il est dans les deux recueils authentiques d'après Anas ibn Malik, hadith fi sahihain akhraj ash-shaykhan min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma urija bihi ila as-sama qala thumma intalaqa حتى أتى بي السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابض اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. Alors d'après le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour où il a fait l'ascension au ciel, il a dit on m'a ramené jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, il appelle comment? Hein? Le lotus. Sourate al-Najm. Naam? Hein? Oui, ils l'ont traduit comme ça. Inda Sidrat al-Muntaha. Alors, près de Sidrat al-Muntaha. Et Sidrat al-Muntaha, il dit c'est le lotus de la limite. C'est un arbre au septième ciel que l'ange Jibril alayhi salam ne pouvait pas dépasser. Et ce fut lors de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada laylat. Laylatama. ليلة أعرج به أو عرج به إلى السماء. قال فغشيها ألوان. C'est-à-dire elle était, il y avait des couleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas que c'était quoi. Après on m'a fait rentrer au paradis. Et j'ai vu janabidhul lu'lu. C'est-à-dire c'est des perles précieuses et sa terre c'était du misk. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله الجنة ما بناؤها. Ce hadith aussi rapporté par l'imam al-Tirmidhi wa al-Darami. D'après Abu Hurayra رضي الله عنه, il dit, on a dit au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, le paradis, c'est quoi sa construction? قال صلى الله عليه وسلم لبنة من فضة ولبنة من ذهب. C'est-à-dire c'est une brique, on a un parfum en argent et un autre en or. وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ. Et son ciment, c'est quoi? C'est du misc pur. وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ. Et ces petites pierres, c'est quoi? C'est les perles précieuses. اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ. وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ. Et sa terre, c'est du safran. مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ. Celui qui rentrera au paradis, il se réjouira et il n'aura jamais la yab'as, c'est-à-dire il n'aura jamais une maladie ou là une épreuve. Wa yakhlud wa la yamut, il demeure éternellement, il ne mourra pas. La tabla thiyabuhum, que leurs habits ou là leurs vêtements ne s'usent pas. Wa la yafna shababuhum, ils resteront tout le temps jeunes. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص. C'est du misk pur. صفة خيام أهل الجنة. La description des tentes des gens du paradis. ماذا قال تعالى في سورة الرحمة؟ قال حور مقصورات في الخيام. حور الحور c'est quoi? الحورية. Comment? C'est par rapport aux yeux. نعم. تقول هذه امرأة حوراء. C'est-à-dire, c'est une femme haura. Ça veut dire le blanc, c'est un blanc éclatant. Et le noir de ses yeux, c'est un noir pur. واضح. هذه هي الحورية. تقول امرأة حوراء. Si le blanc, c'est un blanc éclatant. Et le noir, c'est un noir pur. عن عبد الله بن قيس إسا سحوري مقصورات في الخيام يعني أسستالغون et elles resteront dans les tentes. Personne n'arrive à les voir. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله من فضله قال إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. Donc Abdullah ibn Qays رضي الله عنه. Et ce hadith est dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim. Il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: pour le croyant, au paradis, il aura une tente. Mais quelle tente? C'est dans une tente, dans une perle précieuse, creusée. Sa hauteur, c'est 60 000. Et le croyant, il aura dans chaque fois, ahloun, c'est-à-dire une épouse. Yatoufu alayhim al-mu'min. C'est-à-dire, ils cohabitent avec elle, et personne parmi elles ne voit l'autre. Souqul Jannah. Est-ce qu'il y a un marché au paradis? Naam. An Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, akhrajahu l'imam muslim al-hanith. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal. إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا يعني هم ريح الشمال زادتهم حسنا وجمالا وأهلوه وأهليهم في الخيام زادهم الله حسنا وجمالا فإذا رجعوا إليهم قال فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. D'après Anas ibn Malik رضي الله عنه, ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Dans son recueil authentique, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il rapporte, il dit, au paradis, il y a un souk, que les habitants du paradis, les hommes, ils fréquentent ce souk chaque vendredi. Et c'est comme il y aura un vent qui soufflera et il rajoutera à leur visage حسن وجمال يعني de la beauté à leur visage. Et leur famille, Allah Azza wa Jalla leur augmentera aussi de leur beauté. Et quand ils rentreront, ces croyants, ils diront à leur famille, par Allah, qu'Allah Azza wa Jalla a augmenté, que vous avez, yani vous avez eu plus de beauté pendant notre absence, et leur famille aussi, ils leur disent la même chose. قصور الجنة, les palais du paradis. خلق الله عز وجل داخل مساكن داخل الجنة مساكن وقصور الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال الله تعالى في سورة التوبة قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى dans سورة التوبة إلى دي سبحانه وتعالى aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils demeurent éternellement et des demeures excellentes au jardin d'Eden, du séjour permanent, et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. وقال سبحانه وتعالى في سورة الإنسان قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله سبحانه وتعالى دون سورة الإنسان en parlant une fois qu'il a donné la description du paradis, il a dit et quand tu regarderas là-bas tu verras un délice et un vaste royaume. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة هذا ماذا فيه؟ يعني هذا يبين تفاضل أهل الجنة في القصور qui seront pas tous dans les mêmes degrés. الدخول إلى الجنة يكون بماذا؟ entrer au paradis برحمة الله عز وجل, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. النبي صلى الله عليه وسلم دون الحديث الأوثنتيك يجي لن يدخل الجنة أحد بعمله, قيل حتى أنت يا رسول الله, قال حتى أنا لولا أن يتغمدني الله برحمته. أدور هذاك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يعني au paradis, le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم d'après Abi Sa'id Khudri رضي الله عنه, ce hadith est dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que les gens du paradis ils verront أهل الغرف من فوقهم, ça veut dire ceux qui habiteront dans ces appartements au-dessus d'eux, comme vous verrez quoi? Les étoiles qui est trop loin, qui se trouve par exemple à l'est ou à l'ouest. Et ça, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la différence des degrés entre eux. Qalu ya Rasulallah. Alors ça, les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qalu ya Rasulallah, tilka manazil al-anbiya la yablughuha ghayruhum. Ils ont dit, ça c'est les degrés des prophètes. Personne n'atteindra ces degrés à part eux. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسل. Il a dit au contraire. Il dit, c'est des gens qui ont cru en Allah Azza wa Jal et qui ont cru au message. Allah Azza wa Jal leur accorde ces degrés. Sallallahu alayhi wa sallam min fadlihi. On s'arrête là, inshallah. Sifatu ghurafi ahli al-jannah, on va le voir la semaine prochaine, bi'idhnillah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.